Les pros du boulot sur Fadjet. Bonjour, aujourd'hui les pros du boulot, Thomas et Zora, nous sommes ravis de vous accueillir. Et le thème de cette émission, c'est le compte personnel formation. C'est vrai qu'on vous en a déjà un petit peu parlé dans les autres émissions, mais c'est vraiment important de faire une émission dédiée, car c'est un sujet très très important et très d'actualité. Dans cette émission, on va vous indiquer comment dépenser votre compte personnel formation, comment faire attention aux arnaques, et c'est pour ça que c'est un sujet d'actualité, parce qu'il y a beaucoup d'arnaques au compte personnel formation aujourd'hui, comment transférer ses heures et transférer ses heures avant le 30 juin, donc il y a un petit peu d'urgence, et puis un peu échanger sur les entretiens annuels et en profiter pour penser à la formation. Donc tous les actifs ont un compte personnel formation. Il permet de prendre en main son avenir professionnel. C'est à chaque actif d'ouvrir son compte sur le site Mon compte formation ou sur l'application. Donc, vous retrouverez tous ces éléments sur notre compte Facebook Mon conseil en évolution professionnelle en Grand Est ou sur la page internet de Radio Fadjet. Donc, seules les formations certifiantes sont éligibles, c'est-à-dire que la formation doit déboucher sur une certification inscrite au répertoire spécifique ou au répertoire national des certifications professionnelles. Plus vulgairement, sur un diplôme. Le CPF permet également de financer soit la validation des acquis de l'expérience, soit CLEA, soit un bilan de compétences, un permis de conduire, sous condition, et des accompagnements à la création d'entreprise. Donc, tous les ans, vous augmentez votre capital formation de 500 à 800 euros en fonction de votre niveau de formation initial. C'est pour ça que si vous avez un niveau 5, il ne faut vraiment pas, donc un niveau CAP, niveau 3 maintenant, il ne faut vraiment pas hésiter à l'indiquer. C'est vrai que les personnes hésitent à indiquer qu'ils n'ont pas de formation, mais il faut le dire parce que ça permet de vous faire cotiser plus. Vous gagnez de l'argent. Et vous pouvez atteindre un montant maximum de 5000 à 8000 euros. Donc, vous continuez à acquérir des heures en étant en activité, en congé parental, en accident de travail ou en maladie professionnelle. Le compte personnel formation, il est ouvert durant toute l'activité, c'est-à-dire de la fin des études, même si vous êtes apprenti, jusqu'à la retraite. Donc nous avons essayé de savoir si les gens connaissaient le compte personnel formation. Ainsi, nous avons fait un petit micro au trottoir pour nous renseigner. Non, j'ai entendu parler. Bah non, parce que moi après je refais une formation, mais gratuitement. Alors oui, je connais le CPF, je pense que c'est un système qui permet à chaque salarié de prendre en main son avenir professionnel, parce que en dehors de l'employeur, on peut le mobiliser sans lui demander son accord. C'est un système qui est assez simple, puisqu'une fois qu'on se rend sur le site internet, voilà, on a accès aux formations qui nous sont accessibles, on voit le montant qu'on peut mobiliser. En revanche, je reçois énormément de mails qui m'invitent à mobiliser mon CPF pour des formations qui ne m'intéressent pas, ou qui ne sont pas adaptés. Mais voilà, sinon, dans l'ensemble, je pense que c'est plutôt une bonne chose. À partir du moment où on sait utiliser les outils qui vont avec, donc qu'on a un accès au numérique, qu'on a un accès à l'information, au marché du travail. Donc voilà, plutôt un ressenti positif. Ce qui me motiverait à mobiliser mon CPF, ce serait d'une part de me former pour la connaissance, l'apprentissage, et puis d'enrichir et de m'aider dans mon parcours professionnel. Très honnêtement, je pense que je le mobiliserais plutôt dans mon parcours à moi, comme je l'imagine, plutôt que sur proposition de mon employeur. Alors le CPF, je connais, c'est mon compte professionnel en formation. L'employeur l'abonde et je peux grâce à lui effectuer une formation sur mon temps de travail ou en dehors de mon temps de travail avec l'accord de mon employeur. Non, j'ai jamais eu l'occasion de m'en servir parce que j'avais pas envie de faire une formation qui nécessitait sur le CPF. Non, pas du tout, c'est rare que je reçois même des mails à titre sur ma boîte personnelle et ni sur ma boîte professionnelle, je reçois pas de publicité pour l'utilisation du CPF. Alors pour moi, ce qu'est le CPF, d'après plusieurs échos et plusieurs témoignages que j'ai déjà eus, je sais que c'est une sorte de bourse en fait qu'on cotise tout au long de notre vie, qu'on soit salarié ou indépendant, et que certaines personnes peuvent nous accompagner en fait sur le fait que on puisse dépenser cette sorte de gagnotte en fait sur différentes formations. Je sais que j'ai un ami qui a passé le permis de conduire avec. Il y a le permis moto aussi, j'avais vu. Il y a différentes formations. Moi, ce qui m'intéressait, c'était le marketing digital. Du coup, j'ai vu qu'il y avait ce genre de contenu. Voilà. Alors, ce que je sais du CPF, je vais vous parler de mon cas personnel, puisque en découvrant un petit peu le contenu de mon CPF, je me suis aperçue que j'avais une valeur de 2400 euros dessus que je compte bien utiliser très prochainement pour pouvoir me former dans le cadre d'acquisition de nouvelles compétences. C'est quelque chose qui peut être très intéressant. Il ne faut pas hésiter à se renseigner sur le CPF, les droits dont on dispose pour ne pas perdre justement ce droit à la formation qui nous est ouvert par le biais du CPF. Le compte personnel de formation, par exemple, pour n'importe quel salarié, il y a un truc qui s'appelle donc le compte personnel de formation. Chaque année, quand tu travailles, tu débloques donc des sortes d'aide à l'argent, je veux dire. Et tu peux t'en servir dans le cadre du CEP. Le CPF, c'est un crédit, du coup, il me semble, que tu as avec les jours que tu as prestés en entreprise et que tu peux te servir, du coup, pour te former. C'est ça ? J'ai pas encore utilisé. J'ai de l'argent sur mon compte et on était en train de regarder peut-être faire une formation tableau croisé dynamique sur Excel. Ah non, CPF, je ne connais pas du tout. Alors, le CPF, aujourd'hui, on est sur les pros du boulot, on parle du compte personnel de formation, nous avons écouté des témoignages des personnes qui ont utilisé leur CPF ou qui ne connaissent pas. Alors, où on en est en France aujourd'hui ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même 34 millions de compteurs CPF qui sont alimentés. Mais seulement 5 millions d'usagers de Français ont créé leur compte. Donc, il y en a presque 30 millions qui n'ont pas fait. Il y a eu 1,5 million de téléchargements de l'application sur son portable. 500 000 dossiers acceptés en 2020, donc 500 000 personnes qui se sont formées grâce à son CPF en 2020, et en moyenne, ces personnes dépensent 1 200 euros par formation. Du coup, ça nous fait seulement 2% des Français qui ont profité de leur CPF pour financer des formations, un bilan de compétences, un accompagnement à la création d'entreprise, une validation des acquis. Alors, je pense qu'il y a des progrès à faire. Zora, parlons de la procédure. Comment ça marche? Si je veux utiliser mon CPF, si je ne l'ai pas fait encore, comment je procède? Merci Thomas pour ces éléments très instructifs. Donc, comment ça fonctionne? Si vous ne l'avez pas encore fait, tout d'abord, il faut créer votre compte. Donc, sur moncompteformation.gouv.fr. On vous remet les éléments sur le compte Facebook et sur la page de la radio. C'est très facile, il faut renseigner le numéro de sécurité sociale, une adresse mail, qui est une adresse perso parce que votre compte va vous suivre durant votre activité professionnelle, et choisir un mot de passe. Vous verrez votre solde. Entre nous, n'oubliez pas votre mot de passe, parce qu'après c'est compliqué pour récupérer le compte si vous perdez votre mot de passe. Ensuite, pour augmenter votre crédit, avant 2015, vous avez capitalisé des euros dans votre DIF, droit individuel à la formation. Ces heures ne sont pas perdues. Mais il faut les reporter sur votre compte personnel formation avant le 30 juin 2021. Donc vous trouverez ce montant soit sur votre bulletin de salaire de décembre 2014 ou janvier 2015, sur l'attestation de votre dernier certificat de travail, ou bien vous appelez votre dernier employeur chez lequel vous étiez en 2014. Vous scannez ce justificatif et vous le déposez sur votre compte personnel formation. Vous avez donc, comme je l'ai dit, jusqu'au 30 juin. Pour le faire, de toute façon, il faut rentrer le montant, puisque c'est pas un montant que votre employeur pourra vous payer. C'est vraiment un montant qui est à utiliser pour de la formation. Je vous laisse digérer tout ça, et pendant ce temps, une petite pause musicale. C'est Amir La Fête, et on se retrouve juste après avec Thomas, les pros du boulot. Sans raison, il suffit de vivre, c'est bon. Mais c'est meilleur et c'est moins long avec un peu d'ivresse. Viens, on se casse la voix. Viens, on se casse là-bas. Là où l'amour est toujours roi, s'inventer des princesses. Le patron te fait la misère. C'est rien. T'as le moral sur une civière. C'est rien. T'es encore fatigué d'hier. C'est rien. On réfléchira demain. Tant pis pour le cœur à moitié vide. Tant que des potes, on en a plein. On est tous nés pour faire la fête, comme si on l'avait jamais faite. La fête. On est tous nés pour faire la fête, au pire on l'a fait dans nos têtes, comme si on l'avait jamais faite. Tu peux t'inviter. limité sans raison. Sois à l'aise comme dans ton salon. Viens meubler ta tristesse, viens. On se la joue, on se pavane. On se prend pour les lions de la savane. On est les rois de la Havane. Havana, oh nana. Ton histoire d'amour bat de l'air. C'est rien. Dans ton café t'as mis du sel. C'est rien. T'es trop petit pour toucher le ciel. C'est rien. Parce qu'on grandira demain. Tant pis si on tombe dans le vide. Tant qu'on a le verre à moitié plein. On est tous nés pour faire la fête. Comme si on l'avait jamais faite. La fête. On est tous nés pour faire la fête. Au pire on la fait dans nos têtes. Comme si on l'avait jamais faite. On a presque plus rien à boire. Mais on est là. Le bar va fermer, tout est noir. Mais on est là. On continue sur le trottoir. Mais on est là. Hey. On est là. Mmh. On est là. On va encore rentrer trop tard. Mais on est là. Je crois que j'ai un œil au beurre noir. Mais on est là. J'ai encore cassé ma guitare. Je m'appelle Jimi Hendrix ce soir. Oh, on est tous nés pour faire la fête. Comme si on l'avait jamais faite. La fête. On est tous nés pour faire la fête. Au pire on la fait dans nos têtes. Comme si on l'avait jamais faite. Les pros du boulot sur Fadjet. Bonjour. Ici les pros du boulot, aujourd'hui nous parlons du compte personnel de formation, nous avons parlé de ce que c'était, on a vu des statistiques, on a vu que les Français ne l'utilisent pas, on a vu comment créer son compte, comment reporter ses droits d'IF. Maintenant, qu'est-ce qui se passe après si vous souhaitez acheter une formation? Alors, ce qui est important, c'est déjà d'avoir un projet. L'application et le site internet Mon Compte Formation vous listent les formations disponibles à leur coût. Mais c'est parfois pas évident de s'y retrouver. On peut chercher par mots-clés, par lieu de formation, par présentiel, distanciel. Vous verrez également les dates des séances, les évaluations des autres usagers des différentes formations. Alors, si votre projet n'est pas encore clairement défini, n'hésitez pas à vous tourner vers un conseiller en évolution professionnelle. Il pourra vous aider à choisir la formation la plus appropriée par rapport à votre projet, vos motivations, vos compétences. Mais il peut aussi vous aider à choisir l'organisme de formation et vous accompagner tout au long de ce parcours d'achat. Vous avez trouvé la formation ? Alors vous pouvez vous inscrire en ligne directement. Mais avant d'acheter la formation, contactez l'organisme afin de récolter quelques informations, le programme, les modalités pédagogiques, les prêts qui pourront entrer, etc. Cela vous permettra de comparer peut-être des organismes. Votre demande sera validée, vos droits et abondements éventuellement seront mobilisés. Rien n'est définitif parce que vous pouvez changer votre avis en 14 jours. Vous pouvez même annuler sans conséquence jusqu'à 7 jours ouvrés avant l'entrée en formation. Et en cas de force majeure, vous pouvez annuler ou interrompre la formation. Alors, si la formation est suivie en dehors de temps de travail, il n'y a pas d'autorisation à obtenir auprès de votre employeur. C'est vraiment à votre initiative. Par contre, si c'est sur temps de travail, il faut demander une autorisation d'absence par votre employeur. Alors, Zora, qu'est-ce qu'on peut se faire financer par le CPF? Comment ça marche justement? Et qu'est-ce qui se passe si je n'ai pas assez d'argent sur mon CPF? Merci Thomas pour tous ces éléments. Donc en fait, dans le cadre du CPF, seuls les coûts pédagogiques seront financés, donc les coûts de la formation, à hauteur des droits acquis sur votre compte au moment de votre demande. Cela signifie que les frais annexes, des frais de transport, des frais de repas ou de matériel, et votre rémunération ne seront pas pris en charge. Si vous ne disposez pas d'un montant suffisant sur votre compte, vous pourrez abonder votre compte personnel. Formation, ça veut dire rajouter de l'argent dessus, tout simplement. Donc, il y a différents types d'abondement. L'abondement personnel, vous pouvez décider de compléter vous-même le montant nécessaire au règlement de votre projet de formation. Le cas échéant, vous devez régler la somme correspondante par carte bleue en une seule fois au moment de la validation d'inscription. Un abondement de la part de votre employeur. Donc, si votre employeur partage votre projet de formation, il peut décider d'abonder votre compte, donc comme je l'ai dit, de rajouter de l'argent sur votre compte, et vous pouvez, depuis votre compte, télécharger un document concernant les informations liées à votre dossier de formation afin de le présenter à votre employeur pour lui demander une prise en charge complémentaire. S'il accepte, il devra alors se connecter sur l'espace des employeurs et des financeurs, EDF, pour réaliser directement le paiement. Il peut être intéressant lors de l'entretien annuel d'aborder cette question. On peut penser de prime abord que l'employeur va refuser, mais c'est aussi un investissement pour l'employeur de participer à votre formation. Alors effectivement, il y a des cas spécifiques, c'est-à-dire vous avez peut-être entendu parler de comptes professionnels de prévention. Ça, c'est pour les personnes exposées à plusieurs facteurs de risque. Pareil, on gagne des points. Ces points, on peut les convertir en euros, et ça, c'est intéressant. Pour ça, il faut rencontrer un conseiller en évolution professionnelle. Il y a aussi un abondement spécial de l'assurance maladie. Donc si vous êtes victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, pareil, vous pouvez bénéficier d'un abondement de 7 500 €. Donc c'est super intéressant. Et puis si vous avez travaillé pour la fonction publique, vous pouvez convertir les heures en euros aussi, tout simplement sur le site CPF. Mais pour conclure, ce qu'on voit de plus en plus, c'est les arnaques. Zora, comment on peut faire pour éviter de se faire arnaquer ? Oui, effectivement, attention aux arnaques. On voit beaucoup sur Internet des arnaques au compte personnel formation. Effectivement, vigilance concernant la communication des informations personnelles. Comme on vous l'a dit précédemment, on doit communiquer son numéro de sécurité sociale. Attention, il ne faut jamais communiquer des informations non obligatoires pour se connecter au compte personnel de formation, tel que son numéro de sécurité sociale, ses identifiants de connexion, mot de passe ou ses identifiants d'impôt. Aucune société sérieuse ne vous demandera vos données bancaires ou votre mot de passe par téléphone ou par mail, donc attention. Ne pas répondre à des appels non motivés. En général, l'escroquerie commence par un appel à la future victime par téléphone ou par un SMS. Les escrocs se faisant passer pour un organisme officiel ou en présentant représenter l'État, le Pôle emploi ou appartenir à la plateforme Mon Compte Personnel Formation. Ils demandent alors votre numéro de sécurité sociale afin de prendre possession des droits du compte personnel formation de la victime. Il convient donc d'être vigilant et de ne pas dévoiler de données personnelles par téléphone. Vérifiez que l'organisme de formation existe. Donc vous pouvez faire ça sur Internet, en ligne, s'il possède une certification qualité Calliope. Vérifiez les références, les évaluations. Pour s'assurer du sérieux d'un organisme de formation, il est primordial de vérifier que l'établissement référence plusieurs formations avérées en se renseignant sur leur date de création et sur le nombre d'apprenants déjà formés, mais aussi en regardant les différents commentaires postés à leur égard ou en interrogeant les responsables de formation. Enfin, l'enquête peut se poursuivre sur les réseaux sociaux, LinkedIn en tête, en interrogeant des personnes qui ont suivi la formation visée. Si par mégarde vous avez communiqué vos identifiants d'accès à votre compte formation ou France Connect, par courriel ou par téléphone, ou si vous avez un doute, modifiez immédiatement votre mot de passe d'accès au site France Connect. Consultez l'historique des actions, consultez les informations personnelles vous concernant et consultez l'état de vos dossiers de formation. Pour éviter tous ces désagréments, vous pouvez consulter votre conseiller en évolution professionnelle qui vous conseillera et qui vous aidera à bien transférer vos heures et à bien créer votre compte personnel formation. Merci Zora pour ces points de vigilance. Et vous, avez-vous déjà activé votre compte personnel de formation ? Avez-vous parlé à votre employeur de votre projet ? Est-ce qu'il y trouve un intérêt ? Si oui, avez-vous déjà renseigné vos heures d'IF sur le CPF ? Sinon, n'hésitez pas à le faire au plus vite. Vous avez jusqu'à 30 juin 2021 pour le faire. Aujourd'hui, c'était les pros du boulot. Nous avons parlé du compte personnel de formation. Et au plaisir de vous retrouver tous les lundis à 12h30.